jusqu'à toi, méchant dans l'ombre, monte doucement. Tous tais, la nuit est sombre, viens près d'un amant. Va l'amour et le mystère veilleront sur nous, veilleront sur nous. Ne crains pas l'œil téméraire d'un tyran jaloux, d'un tyran. Plainte même parle en ma faveur. Il connaît ma peine extrême, il comprend mon cœur. Sa voix à m'attendrir se livra l'amour, se livra l'amour. Tu l'entends, ma douce amie, oh, c'est là ton tour, oh, c'est là. Qui t'implore, viens combler mes voeux, dans mes bras, viens, je t'adore. Que je sois heureux, que je sois heureux. Les sombres accents. mon enfant, c'est la trompette et le vent siffle au fond des bois. Pourquoi trembler si tu me vois plus heureux bientôt que le fils des rois? Tu verras mes enfants jaloux de tes droits, t'aimer, te servir et soumise à tes lois, dans leurs bras légers te bercer à ma voix. Mon fils, courbé par les vents, je vois les peupliers mourants. Je t'aime, cède enfin à mes deux suppliants. Viens vite, ou sinon, reconnais ma puissance. À grands pas, il s'avance, l'enfant oppressé, prenait avec effort. Le père arrive et quoi qu'il donne, il le regarde au ciel, l'enfant est mort. Au fond d'une onde claire, passait et repassait la truite plus légère, plus rapide qu'un trait. J'étais sur le rivage et mon regard suivait les jeux de la volage au fond du ruisselet. Les jeux de la volage au fond du ruisselet. Quand un pêcheur s'arrête, s'aligne dans la main, il a vu la pauvrette, il jette son engin. Que l'eau reste limpide, me dis-je alors tout bas, et la ligne homicide ne la surprendra pas. Non, la ligne homicide ne la surprendra pas. Mais le pêcheur se lasse du temps perdu, de l'eau agitant la surface, il trouble le ruisseau. Bientôt, au fil perfide, la truite se prenait. Je sentis l'œil humide, mon cœur qui se brisait. Je sentis l'œil humide, mon cœur qui se ce soir, à travers l'ombre, j'ai dû passer par là. La nuit était bien sombre, pourtant mon cœur saigna. Les feuilles semblaient dire, pour retarder mes pas. Ici, la paix respire, amis, ne nous fuis pas. Soudain, en plein visage, sentant un vent glacé, je pris tout mon courage et vite j'avançais. Je suis loin du village, pourtant j'entends toujours le bruit de ce feuillage qui parle des beaux jours. Je suis loin du village.